L'herbe évolue et se transforme. De l'agneau, l'humain prend la forme. 15 juin, soir, Guilin, hôtel Yuao, amicalement. Compte rendu du 14 au 15 juin. Le matin du 14, dans la voiture louée, conduite par moi, nous voyageons vers la localité où Hua vivrait. Sur la route, Mei m'invite à nous arrêter dans la maison de sa famille. Elle habite sur le parcours. Je continue à conduire sans réagir. Mei en est embarrassée. Aïe, j'ai commis une bêtise. Réparation. Je demande, gêné. Mon silence t'a blessé. Elle demeure immobile, distante. Aïe, aïe. Je hasarde avec délicatesse. Je pense que oui. Alors je te prie de me pardonner. S'il te plaît, dis-moi en quoi j'ai été... Je cherche à bien choisir le mot, inattentif. Mei surmonte un peu son malaise et m'explique, en évitant d'y mettre le moindre signe de reproche. Je comprends ton empressement pour retrouver Hua. Mais si je t'ai invité dans ma famille, c'est juste pour le temps de manger quelque chose en compagnie de mes parents. Excuse-moi, dis-je très désolé. Je voulais uniquement ne pas déranger ta famille. Recevoir un étranger, cela les obligerait à troubler leur vie ordinaire. Chez nous, on est toujours heureux d'inviter des amis à la table. Nous y resterons rien que le temps nécessaire pour manger avec eux. Alors allons-y. Mei téléphone à sa mère. La conversation finie, j'interviens pour mettre tout à fait à l'aise ma compagne. Tu m'as appris à dire merci en chinois. Sié, sié. Maintenant, apprends-moi un autre mot, ainsi je donnerai une bonne impression à ta famille. Mei se détend. Il suffit de dire ni hao. Tu sais déjà que ce mot signifie bonjour. Je répète le mot. Je le dis bien? Parfait. À propos, comment s'écrit en chinois le nom de Hua? Quel idiot, je n'y ai pas songé auparavant. Maintenant tu vas apprendre le chinois, rétorque Mei, égayée. Pourquoi pas? Elle extrait de son sac un petit carnet, dessine sur une page un caractère chinois et me le montre. Ah, il signifie quelque chose? Fleur. Mais ce nom est composé de deux éléments. En haut, le caractère signifie l'herbe, et en bas, le sens est... devine. J'essaye un bref instant. Désolé, je n'y parviens pas. Transformer. Transformer? Oui. Le nom Hua, écrit en chinois, c'est de l'herbe qui se transforme, et la combinaison des deux signes dans un seul caractère signifie dépenser. L'explication me laisse songeur. L'ex-épouse me revient en mémoire. Quand je l'avais connue, elle m'a semblé une bonne herbe, mais assez vite elle se transforma en ce qu'elle était réellement, une mauvaise. Et Hua, l'excellente herbe que j'ai entrevue, quelle transformation a-t-elle connue et quelle dépense a-t-elle fournie? J'écarte ces interrogations pour lesquelles je ne dispose pas de réponse, tout en l'espérant positive. « Donne-moi la feuille, s'il te plaît, » dis-je à Mei. Elle la détache et me l'offre. Je la plie avec soin, puis la glisse dans ma poche. « Et ton nom à toi, que signifie-t-il ? » Elle éclate d'un petit rire. « Tu veux vraiment le savoir ? Tu as excité ma curiosité ? » ?»« Cela m'embarrasse de te le dire. »« Ah, pourquoi ?» J'aurais l'air de me vanter. « C'est toi qui as choisi ton nom ? » ?»« Non, mes parents. » « Donc ce sont eux les responsables. Alors dis-le-moi. » Je remarque une furtive rougeur sur le visage de Mei, et ses yeux brillent davantage. Elle en devient plus charmante. Le caractère de mon nom est composé de deux autres signes. En haut, c'est l'agneau, et en bas, un être humain. L'ensemble est donc agneau-être humain, d'où le sens, doux et beau comme un agneau, autrement dit, digne d'éloge. « Ah ah, eh bien tes parents t'ont donné le nom que tu mérites ?» Ses joues deviennent plus rouges, ses paupières battent plus rapidement, elle se détourne et regarde la route devant elle. Je veux la détendre. « Et ça s'écrit comment, ton nom ?» Sur une autre page du carnet, elle dessine tout en expliquant d'abord un premier caractère. « C'est l'agneau, avant deux cornes. » Puis un second. « C'est un être humain, tenant les bras et les jambes écartés. » Enfin. « Et voici le nom composé. » Je regarde le caractère. « C'est, dis-je, un très beau dessin et riche de sens. » Tu me fais découvrir une autre planète. Maintenant, une dernière requête. Je voudrais entendre de ta part une chanson chinoise. Un brusque feu m'envahit. Quelle confusion en moi! Pour m'éviter une épreuve si embarrassante, j'affirme, je ne suis pas chanteuse. Je le sais, mais tu as une belle voix. Il m'encourage avec chaleur, d'un ton plaisantin. Ce sera ta contribution à l'échange culturel entre les peuples. Elle rit, mais sans plus. Cependant, je tiens à l'entendre chanter. Un bel argument me vient. Je le présente sous forme de taquinerie, mais d'un ton convaincu. Si tu ne chantes pas, j'arrête la voiture. Je m'agenouille à tes pieds et je reste dans cette position jusqu'à entendre ta voix. Nouveau rire de Mei, légèrement nerveux, sa main droite cache par pudeur la bouche ouverte. J'attends. Je diminue la vitesse du véhicule, encore un peu plus. Je ralentis davantage. Le miracle se produit, les yeux fixés sur la route, May fait entendre sa voix, basse et douce, un peu tremblante. « Oh May, oh May, pour la première fois je chante pour un homme. Heureusement qu'il ne comprend pas les paroles, sinon je n'aurais pas osé. Oh, certainement, il devine qu'il s'agit d'une chanson d'amour. » Troublé au plus profond de moi-même, j'écoute May chanter. J'ignore le sens des paroles, mais elles sont très mélodieuses, caressantes. Elle me suggère l'écoulement paisible de l'eau d'une petite rivière, accompagnée de gazouillis d'oiseaux. La voix de May tremblote de temps en temps. Quand elle cesse de chanter, elle garde le visage face à la route en restant immobile. Je hasarde, c'est une chanson d'amour, n'est-ce pas ? Elle secoue la tête affirmativement. J'espère qu'il ne me demandera pas la traduction de ce que j'ai chanté. J'ose, en atténuant ma requête par un ton badin, puis-je connaître le contenu de ce que tu as chanté ? Que répondre ? Heureusement, il s'agit de métaphores. Je maîtrise un peu mon trouble et je satisfais la curiosité de mon compagnon. Il s'agit d'une fleur. Elle vient à peine de sortir de terre à l'aube. Elle demande au ciel de rester sans nuages afin qu'elle reçoive la lumière du soleil. Puis, l'obscurité venue, elle sollicite la nuit de ne pas être trop froide pour ne pas y succomber. La fleur désire exister juste le temps de recevoir la visite de l'abeille qui en prendra le nectar. Alors, sa mission accomplie, elle quittera sereinement la vie. Décidément, j'ai tellement de choses à apprendre. Heureusement, il ne m'a pas demandé qui est l'auteur de la chanson. Après le divorce avec mon mari, je l'ai composée personnellement, en imitant un style ancien. Souhaiter 100 années heureuses, quelle espérance généreuse! La voiture s'arrête près d'une modeste maison de campagne entourée de magnifiques champs de tournesol. Le soleil intensifie l'éclat de leurs couleurs. Nous sommes très chaleureusement accueillis par les parents et grands-parents de May. Les habits indiquent des paysans modestes. Leur peau est tannée par le soleil. Les visages sont plutôt lisses, à l'exception de la grand-mère, dont les rides sont marquées. Je suis frappé par le tendre sourire et les yeux très lumineux du grand-père, aux cheveux blancs comme neige. Bonhomme maigre et petit, il s'appuie sur un bâton. Je salue les parents de May avec plaisir et prononce à ma manière « Ni hao ». Les membres de la famille, charmés, répliquent en chœur par le même mot. Le grand-père ajoute avec un geste de bienvenue « Huaning, Huaning ». Qu'est-ce qu'il a dit ?« Bienvenue, bienvenue », traduit May. J'incline la tête légèrement et réponds avec respect au vieillard « Sied, sied ». Tous les autres sourient en signe d'appréciation. Le père de May invite de la main sa fille et moi à le suivre. Tous nous nous dirigeons vers l'entrée de la maison. May remarque mes yeux fixés sur le bâtiment de son grand-père. « C'est, dit-elle, le souvenir qu'il a gardé de la longue marche. Il eut un pied gelé durant le passage d'un col neigeux. « C'est quoi la longue marche ?»« Tu ne le sais pas, s'étonne May. « Excuse mon ignorance. À l'école puis à l'université, on ne m'a presque rien enseigné sur la Chine et son histoire. Par la suite, je ne me suis intéressé qu'à sa situation financière. Quant au reste, mes informations se limitent aux mass-médias dont on connaît les limites, les préjugés et l'aspect propagandiste. Je t'expliquerai après, promet-elle. » Les membres de la famille, May et moi, entrons dans une cour de ferme agrémentée d'un grand potager. Des poules courent çà et là en caquetant, suivies par des poussins. Ils mêlent leurs piaillements à ceux de quelques oies secouant leurs ailes. Je savoure le calme, la lumière et le parfum de la campagne. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas éprouvé ce genre de sensation. « Cela doit être bon de vivre ici, » dis-je à May. « À une exception, » objecte-t-elle. « Les gens qui, malgré un dur travail, manquent d'argent pour se nourrir, soigner leurs malades ou faire étudier leurs enfants dans de bonnes écoles. Dans leur jeunesse, mes grands-parents en ont pâti. » Juste observation. J'en fais pénitence à ma compagne. J'ai encore le défaut, en contemplant ce qui est beau, d'oublier ceux qui n'ont pas les moyens d'en jouir. Merci de me le rappeler. Qui n'a pas connu le froid et la faim ? Comment peut-il être sensible à ceux qui en ont souffert, à moins de disposer d'une sensibilité particulière ? Je suis contente d'offrir à Bruno l'occasion de s'ouvrir à un monde qu'il n'a pas fréquenté. Je vois avec plaisir qu'il y prête attention. Et moi, à travers lui, je connais mieux les Occidentaux, tout au moins lui. « Tu vois cet arbre-là ? » dit May en l'indiquant. Je le regarde. Environ 12 mètres de haut. Pourtant, le tronc est mince par rapport à ce qu'il porte. De très longues branches munies de larges feuilles vertes. Jamais vu. Il est magnifique. C'est, m'explique-t-elle, le plus bel arbre de Chine. On l'appelle l'arbre parasol. Son bois a une propriété acoustique telle qu'on en fait plusieurs instruments de musique, comme le guqin et le guzheng, ces cithères chinoises que tu as vues dans le magasin de Pékin. La vue de l'arbre l'attendrit fortement. « Dans mon enfance, confie-t-elle, j'ai toujours été heureuse de contempler cet arbre. Il consolait mes moments de tristesse, et j'aime aussi les fleurs qui l'entourent. En effet, l'arbre en est embelli, ainsi que d'arbustes et de bambous. En consultant un site sur mon ordinateur, j'ai appris qu'il s'agit d'un hibiscus aux pétales ondulés d'un rouge vif. J'aime aussi les bambous, ajoute May. Quand je vivais ici, je les ai vus se courber et se plier par le vent très fort, presque jusqu'au sol, mais très rarement ils se cassaient, à cause de la souplesse de leur tronc. J'en ai tiré une très précieuse leçon de vie. » La mère de May nous invite à entrer dans la maison. Avec le reste de la famille, nous pénétrons dans une salle. Mur blanc et quasi nu. Sur l'un d'eux est accroché un petit cadre où est représentée une fleur. Un meublement rustique, essentiel. Une superbe lumière baigne la chambre à travers une vitre. De là, on admire un large espace de champs cultivés et d'arbres feuillus. « C'est ici que tu es née ?»« Oui, » répond May, contente. « Tu as eu bien de la chance. »« Je le sais. Et toi ?»« Moi, je suis née dans une petite ville, sur une belle plaine. » J'ai vécu une première partie d'enfance heureuse, près d'un immense parc public. Il semblait une forêt. J'allais souvent m'amuser, jouissant de plaisirs infinis. Malheureusement, mon père a changé de travail et nous avons déménagé dans la capitale. Depuis lors, fini les espaces ouverts, l'air frais, les champs d'oiseaux, les ruisseaux où se baigner, les arbres pour cueillir les fruits et les savourer, fini l'herbe où s'étendre, le ciel à admirer, le plaisir de voir passer les nuages, fini les nuits à contempler les étoiles aux lueurs dansantes en jouissant de la musique du silence. « Tu es poète ?» demande May admirative. « J'aurais bien voulu l'être, mais je ne suis qu'un être humain ordinaire. » « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Gaspiller sa vie dans un édifice 8 heures par jour, puis le reste du temps, se réfugier dans un immeuble où les gens s'agglutinent dans des cages surchargées d'objets inutiles. De jour, la vue est frustrée par des murs ou des fenêtres aux rideaux fermés, et les poumons sont empoisonnés par la puanteur des gaz de voiture. De nuit, les yeux s'hypnotisent en fixant le tremblotement hystérique des lueurs blafardes d'un téléviseur. Avant de dormir, il faut clore les fenêtres pour ne pas entendre le fastidieux bruit continuel de la circulation des automobiles. De jour comme de nuit, se démener dans un immense garage, appelé ville, assommé par les ronronnements agaçants et ininterrompus de moteurs de véhicules, entrecoupés par les hurlements de sirènes de la police ou d'ambulances. C'est cela, aujourd'hui, la vie d'un être humain ordinaire. On appelle ça civilisation. Et le secret de son existence? L'attrait de l'argent, source de gloire. C'est actuellement et malheureusement le cas aussi des grandes villes en Chine. Ici, on l'appelle progrès, développement. Le petit cadre accroché au mur réveille ma curiosité. Le peintre a dessiné d'une manière schématique mais très élégante une tige droite, avec des minces feuilles vertes et deux fleurs aux pétales blanches à l'intérieur, un peu violettes à l'extérieur, d'où surgissent de petites graines rouges. Je ne connais rien aux fleurs. Qu'est-ce que c'est ? May tourne les yeux vers la même direction. Une fleur du type Lilium japonicum. On l'appelle en chinois Banyan Heihao, ce qui signifie « cent années heureuses ». Sous-entendu, vécu ensemble. La fleur symbolise le souvenir et la fidélité dans le couple. Touché par l'explication, j'observe plus attentivement la fleur. Les autres membres de la famille s'en rendent compte et sourient avec attendrissement. May m'invite à m'asseoir. Je m'installe devant une table de bois, ronde, entourée de chaises également en bois. Elle est chargée de nombreux plats remplis d'aliments, légumes de différents types et couleurs, viande, œufs, soupe, riz, des bouteilles d'eau. Je suis embarrassé d'avoir causé une telle dépense d'argent, surtout à des gens de conditions visiblement modestes. Mais il serait malpoli de le déclarer. Je me contente d'avouer à May, je te prie de remercier tes parents de ce très généreux accueil, mais je ne pourrai jamais manger tout ce qu'ils ont préparé. C'est leur plaisir de t'accueillir ainsi, me rassure-t-elle. Il suffit que tu manges selon ton plaisir. Mes yeux fixent les deux baguettes, puis se tournent interrogatifs vers May. Elle explique. « Des différents plats, tu choisis ce que tu veux et ensuite tu le manges directement, ou si tu préfères, tu le mets d'abord dans ton assiette, puis tu le manges. » Me voyant perplexe, elle ajoute. « Allez, je t'aide, dis-moi ce que tu veux. » Je lui indique des aliments. Elle les prend avec ses baguettes successivement, puis les pose dans mon assiette. Les autres convives commencent à manger. J'utilise avec précaution les baguettes pour prendre des légumes et les porter à ma bouche. Heureusement, depuis mon arrivée en Chine, le soir, plusieurs fois, je m'étais entraîné au maniement de ces deux morceaux de bois. À présent, j'y arrive assez bien, en faisant bien attention. Pendant le déjeuner, May et sa famille bavardent avec une vive affection. J'observe discrètement les mains de mes hôtes. Elles témoignent le pénible labeur manuel, calleuses, doigts grossis par les instruments de travail, et dire que dans les villes du monde entier, on insulte les gens en les traitant de paysans. Une honte m'envahit. J'ai passé toute ma vie en oubliant qui et comment produisait la nourriture. Je ne me souciais que de la qualité des produits et de leur prix, mécontent de voir ces derniers augmenter. À ceux qui me fournissaient la nourriture, je n'accordais aucune attention, encore moins j'imaginais leur visage, leurs mains, leur vie. Les voici maintenant devant moi. Ma méditation est interrompue par un rire de Mei, suivi par celui des membres de sa famille. « Quel dommage, dis-je, de ne pas comprendre votre langue. De quoi riez-vous ? » « Ils disent, relate Mei, que tu serais un bon mari pour moi. » En riant, je sentis une vive déchirure. Un bon mari, c'est ce que j'ai toujours souhaité ardemment. Hélas, jusqu'à présent le destin n'est pas consentant. 42 années désormais sont passées. Puis-je encore espérer ? À mon tour de rire à propos de bon mari, puis, dis-leur que je les félicite d'avoir une fille comme toi. Elle traduit à ses parents. Touché par le compliment, il me remercie d'un signe de tête. Je note le regard discret mais perçant du grand-père. Il me fixe avec un sourire bienveillant. Peut-être veut-il connaître, sans oser le demander, quel genre de relation existe entre sa nièce et moi. Je le contemple un instant en me posant probablement les mêmes questions que lui à mon sujet. Quelle a été la vie de cet homme? Quelles ont été ses peines et ses joies? Quels sont ses désirs les plus chers? Une vive curiosité me pousse à le savoir. Mais comment formuler ma demande sans paraître indiscret? Je finis par trouver une solution. Je m'adresse à Mei. Je voudrais savoir quelque chose sur la longue marche à laquelle a participé ton grand-père. Elle explicite mon désir au vieux paysan. Il a l'air un peu surpris, puis content de mon intérêt. Il réfléchit un moment. Bonne chance est l'expression pour une vie d'abnégation. La marche de 10 000 lis, commence le grand-père d'un ton modeste et nostalgique. Au fur et à mesure, Mei me traduit le récit. Elle eut lieu, poursuit-il, pendant la guerre civile. Ce fut une retraite stratégique de notre armée rouge pour éviter d'être anéantie par l'armée nationaliste. Notant mon regard interrogateur, Mei m'explique. L'armée rouge était celle du parti communiste, qui représentait les paysans pauvres et les ouvriers, et celle, nationaliste, défendait les intérêts des capitalistes et des féodaux chinois. Puis elle fait signe au grand-père de continuer. Le périple, dit-il, dura plus d'une année. Il commença le 15 octobre 1934 pour finir une année après, le 19 du même mois. Ce fut une campagne militaire désespérée, sans certitude de victoire. Nous étions poursuivis et harcelés par l'armée nationaliste, nettement plus forte en hommes et en moyens matériels, attaqués par des seigneurs de guerre provinciaux, agressés en embuscade par des bandes armées locales dans les régions de minorités ethniques. Dans ces conditions très dangereuses, nous avons parcouru à pied environ 12 000 km. Traverser 11 provinces, marcher sur des terrains souvent difficiles, escalader de multiples hautes montagnes aux pics enneigés, traverser des fleuves très larges et souvent glacés, parfois sous le feu ennemi, affronter des combats toujours coûteux en morts et en blessés. Le grand-père s'interrompt un instant puis continue. Malgré toutes ces difficultés, ou à cause d'elles, il y eut parfois entre nous des conflits, parfois graves et douloureux, concernant les tactiques à adopter. Depuis le début et tout le long de l'expédition, la première action des dirigeants fut d'assurer le moral des troupes. Un discours est resté gravé dans ma mémoire. « Nous voulons, déclara notre responsable, que notre peuple, finalement, marche dignement. Pour concrétiser ce but, nous devons nous battre, consentir tous les sacrifices et gagner, afin que parmi nous il n'y ait plus ni supérieur ni inférieur, ni exploiteur ni exploité, ni dominateur ni dominé, mais uniquement des citoyens libres, égaux et solidaires. » Et que ce soit également ainsi pour nos enfants, nos petits-enfants et les futures générations. À nous revient l'honneur de donner à notre peuple ce qu'il désire depuis des millénaires, la justice, l'égalité et la fraternité. Pour chaque combattant, ces paroles ranimaient confiance et courage. Elles devinrent notre première arme, la plus précieuse. L'idéal commandait au fusil, et cet idéal était symbolisé par une étoile rouge sur nos casquettes. Le narrateur se tait, ses yeux semblent aller au temps évoqué. Probablement des souvenirs lui reviennent. Il reprend. À la fin de notre retraite, environ 80 000 camarades avaient péri. À survivre, nous étions seulement entre 20 000 et 30 000. Les décès furent causés non seulement par les batailles, mais également par les intempéries, le froid, le manque de nourriture, quelquefois d'eau, la faiblesse physique, les maladies, le désespoir. Cependant, ce qui était d'abord une défaite fut transformé en une victoire. Elle devint la plus grandiose épopée et le symbole le plus éclatant de notre histoire. Le visage du narrateur prend une expression profondément méditative. « Encore aujourd'hui, dit-il, j'essaie de comprendre comment nous avions trouvé la force physique et l'énergie morale pour marcher jour et nuit, combattre presque quotidiennement contre un ennemi supérieur en hommes et en armes, gravir de hautes montagnes couvertes de neige, traverser des fleuves aux eaux glacées, parfois sous le feu des mitrailleuses ennemies ou les bombes de leurs avions, voir mourir tant de camarades et pourtant finalement en sortir victorieux. Le vieux paysan se tait,